d'arrêt, on fait le plein, ça va rapper dans tous les sens. BSM évolution, c'est la renaissance. On s'applique car sur le son, faut que ça clique. Devant le mic, ça kick, je réponds si tu me lances des pics. Dans le peurage, faut pas le voyou, fidèle à moi-même. Je boxe avec les mots, appelle-moi Ali Mohamed. 6-2-600, chez nous ça rappe en équipe. Tu m'as cherché, je t'ai niqué ta mère, maintenant on est quitte. Ne parle pas de vécu, tu n'as pas connu l'époque. Tous les frites le dimanche avec Walker à l'époque. L'épopée du cru, fou gravé dans la roche. Un monde de fou, toujours un tuteur dans la poche. Nous on kick, on chante pas avec la télécommande. Pas les coups si t'aimes pas, vu que les autres en redemandent. Une feuille, un stylo, sur l'instru je me défoule. Pas l'intention de percer, ni passer chez G-Fou. Ici ça kick comme à l'époque du garage à P2K. Ça kick, ça le kiff, ça sourire dit que ça puche, calnette, casquette, basket, car la vie un casse-tête, donc casse-tête à l'état. Ça rappe dans tous les sens, bienvenue dans le 62-600, mec. Ça crache des glaires derrière le mic, ouais. Gros, je rappe depuis v'là les années. J'ai vu les prods et les rimes changer. Dernier tour de piste, histoire de vous montrer mon talent. Beaucoup vont rager, beaucoup vont s'en mordre la langue. Nouvelle génération, bientôt en talons. Aiguille, j'affûte mes rimes et gesticule comme Bilal Hassani. Je rappe avec mes gars, c'est riche en oméga. Ça fait des dégâts, je bouge la tête dans la Renault Mégane. Je smoke la weed à Paulette et ça kick dans le bola. On m'a appelé Pélo, c'est normal qu'il faisait la pelade. BSM sur le logo, mec, vas-y follow. Je foque les clodos qui pensaient que nous étions des rigolos. Y'a pas de copier-coller, ni de son olé olé. Que des cesses bien fignolées, si tu veux te pignoler. Je rappe depuis des années, j'en ai perdu des amis. Des âmes damnées, l'envie de toucher des anus les anime. On a ça dans les veines, pas besoin d'un manuel. Mon expérience est vieille comme la femme d'Emmanuel. L'avenir est à nous, on crache de l'éthanol. Je garde la tête froide, comme une branlette espagnole. Le son te laisse des séquelles, c'est du lourd, pas pour les séquins. Tu te demandes c'est qui, LPK revient poser le CK. Ici ça kick comme à l'époque du garage à P2K. Ça kick, ça le kiff, ça sourire dit que ça puche, canette, casquette, basket, car la vie un casse-tête, donc casse-tête à l'état.